Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, supplément. Question 74, de la conflagration du monde. Le monde sera purifié par un feu de la même nature que le nôtre. À quels éléments s'étendra ce feu? Que cette conflagration précédera le jugement, ses effets sur les hommes. 1. Le monde sera-t-il purifié? Il est écrit, « Je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. » Apocalypse 21:1. Si le monde a été fait, à certains égards, pour l'homme, il faut que, quand l'homme sera glorifié dans son corps, les éléments qui composent le monde soient aussi améliorés, afin que la création devienne un séjour plus convenable et d'un aspect plus riant. Selon l'expression de l'apôtre, la corruption ne possédera pas l'incorruptibilité. 1 Corinthiens 15, 50. Quoique le péché ne puisse pas, à proprement parler, souiller les choses corporelles, il leur imprime néanmoins une sorte d'inaptitude aux usages spirituels. Les lieux profanés par certains crimes doivent, avant de servir à la célébration des saints mystères, subir une purification. Les éléments, pour une raison semblable, seront purifiés avant de recevoir leur transformation glorieuse. 2. La purification du monde se fera-t-elle par le feu? Le psalmiste 49:3 dit. Le feu s'enflammera en la présence de Dieu. Saint Pierre ajoute, les cieux embrasés se dissoudront, l'ardeur du feu fondra les éléments. 2 Pierre 3:12. La purification du monde s'opérera donc par le feu. Le feu est le plus noble des éléments. Il a des propriétés naturelles, telles que la lumière, qui ressemble beaucoup aux propriétés de la gloire. Doué d'une très grande activité, il ne se mêle pas, comme les autres éléments, aux substances étrangères. La sphère qu'il occupe ne nous permettant pas, à raison de son éloignement, d'en faire un usage aussi fréquent que de la terre, de l'eau et de l'air, il contracte moins l'infection du péché. Il possède au suprême degré la vertu de purifier, de diviser et de raréfier les corps. Pour ces motifs, il peut, mieux que toute autre substance, opérer la purification dernière. 3. Ce feu sera-t-il de la même nature que le nôtre? Saint Pierre a comparé la purification du monde par le feu à celle qui, au temps du déluge, eut lieu par l'eau. 2 Pierre 3:3 et suivant. Or l'eau qui submergea la terre était de la même espèce que celle qui existe parmi nous. Donc le feu qui purifiera le monde sera aussi de la même nature que le nôtre. Descendra-t-il du ciel? Sera-t-il produit par la concentration des feux du firmament? Sortira-t-il des entrailles de la terre? On l'ignore. Il est assez probable que la terre, par un effet de la puissance divine, le fera sortir de son sein. 4. Ce feu purifiera-t-il aussi les cieux supérieurs? La purification dernière, dont le but sera de dégager des corps ce qui est contraire à la perfection glorieuse de l'homme, ne s'étendra point aux corps célestes, dans lesquels, à l'exception de leur vicissitude, qui paraît être une voie vers la perfection, rien ne répugne au dernier état du monde. Conséquemment, les cieux supérieurs ne subiront point la purification du feu, l'immobilité, produite par la volonté divine, leur en tiendra lieu. Note. Quand saint Pierre dit que la violence du feu dissoudra les cieux et fera fondre les éléments, 2 Pierre 3:12, il parle des cieux aériens, qui furent purifiés, dans les temps anciens, par les eaux du déluge. Fin de la note. 5. Ce feu détruira-t-il les autres éléments? Les quatre éléments, purifiés des souillures et des taches qu'ils ont contractées par les péchés des hommes, n'en conserveront pas moins leur substance et leurs propriétés essentielles. Note. Dans ces paroles de l'Apocalypse, le premier ciel et la première terre ont disparu, et la mer n'est plus. 21:1. La mer signifie le siècle présent. Si l'on prend cette expression littéralement, il faut dire que la mer subsistera quant à la substance de ses eaux, mais non sous le rapport de leurs propriétés salines et de l'agitation de ses flots. Instrument de la providence et de la vertu divine, le feu agira sur les éléments, non pour les détruire, mais pour les purifier. Il en sera des corps comme du fer incandescent, qui, ôté de la fournaise, reprend naturellement son premier état. Fin de la note. 6. Tous les éléments seront-ils purifiés? Saint Pierre nous apprend que les mêmes lieux autrefois purifiés par l'eau le seront par le feu. 2 Pierre 3:3 et suivant, et Saint Augustin dit, le monde qui a péri par le déluge subira la dernière conflagration. Les eaux du déluge se sont arrêtées à 15 coups des eaux au-dessus des plus hautes montagnes. Il n'est pas probable que le feu du dernier embrasement doive monter beaucoup plus haut. Une telle élévation est suffisante pour purifier les éléments de l'infection du péché et des impuretés qui proviennent de leur mélange. Note. Cette purification aura pour principale fin d'éloigner du séjour des saints toute imperfection, elle rejettera les scories impures dans l'enfer, qui, loin d'être purifié, recevra toutes les immondices de l'univers. Conformément à cette parole, salie n'est pas épuisée, tous les pécheurs de la terre en boiront. Psaume 74, 9. Le ciel empiré, dont les mauvais anges furent bannis immédiatement après leur péché, n'a pas besoin de purification. Fin de la note. 7. La dernière conflagration suivra-t-elle le jugement? Il est écrit, le feu le précédera. Psaume 96, 3. Prise à son premier acte, la conflagration du monde précédera certainement le jugement dernier, car la résurrection des morts doit s'accomplir avant le jugement même, comme on le voit par ces paroles. Ceux qui se seront endormis seront emportés dans les airs au devant du Seigneur. 1 Thessaloniciens 4:16. Or, suivant cet oracle, le corps, semé dans l'abjection, ressuscitera dans la gloire. 1 Corinthiens 15:43. Les saints recevront la glorification de leur corps au moment même de la résurrection générale. Il est certain, de plus, que, conformément à cette autre parole, les créatures elles-mêmes seront délivrées de leur asservissement à la corruption pour participer à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Romains 8:21. Toutes les créatures seront renouvelées en même temps que les corps des saints seront glorifiés. Par conséquent, la conflagration dernière qui doit purifier le monde commencera avant le jugement, mais, dans son acte secondaire qui consistera, en exécution de la sentence du souverain juge, à envelopper les méchants dans l'enfer, elle suivra le jugement. 8. Le feu de la dernière conflagration produira-t-il l'effet indiqué par le maître des sentences? Le feu de la dernière conflagration agira par sa vertu propre et comme instrument de la divine justice. Par sa vertu propre, il produira les mêmes effets sur tous les hommes, bons ou méchants, qu'il trouvera encore vivants, il réduira leurs corps en cendres. Comme instrument de la justice divine, il produira des effets divers. Les méchants en subiront toutes les rigueurs, au lieu que les hommes parfaitement justes, qui n'auront point de souillure à purifier, semblables aux trois enfants dans la fournaise de Babylone, seront impassibles au milieu de ces flammes. Les bons dans les corps auront quelque chose à purifier et éprouveront une douleur plus ou moins vive, selon leur degré de culpabilité. Après le jugement, ce feu n'agira que sur les réprouvés, les élus auront des corps impassibles. Note. Il y a trois raisons pour lesquelles les hommes que le feu trouvera vivants pourront être purifiés dans peu d'instants. Effacés en partie par les terreurs et les persécutions des derniers temps, les souillures de leur conscience seront peu nombreuses, ils subiront leur peine volontairement dans ce monde, où la douleur ainsi acceptée purifie plus promptement que les supplices de l'autre vie, comme on le voit par les martyrs, dont le supplice est court comparativement à la peine du purgatoire. Enfin, le feu gagnera en intensité ce qu'il perdra en durée. Fin de la note. 9. Ce feu servira-t-il à ensevelir les réprouvés? Dans la purification du genre humain, les bons seront séparés des méchants, selon cette parole, il a le van en main pour nettoyer son air, il amassera le blé dans ses greniers, et il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteindra jamais. Luc 3:17. Il en sera de même dans la purification des éléments du monde. Les matières viles et souillées seront rejetées dans l'enfer avec les réprouvés, tout ce qu'il y aura de noble et de beau sera réservé pour le glorieux séjour des élus. Le feu purificateur lui-même subira une séparation analogue. Ces matières grossières et brûlantes, dit saint Basile, se concentreront dans l'enfer pour le supplice des damnés, tandis que ces parties pures et lumineuses iront servir à la gloire des élus dans les régions supérieures de la création. Note. La gloire des élus recevra, après le jugement, des splendeurs nouvelles, et le supplice des damnés des rigueurs nouvelles. Pour cela même, un feu nouveau sera ajouté au feu préparé, dès le commencement, dans l'enfer pour les damnés, et la partie supérieure du monde brillera d'un plus ravissant éclat pour accroître la gloire des élus. Markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial. Partage à l'identique.